Clementine. À ma cousine Clémentine, j'aimerais dédier cette comptine. Au nom de la rose, je te propose cette prose. Il était une fois une petite fille, aux chaussures couleur myrtille, enrobée des plus jolis textiles, croquant sa vie bien tranquille. Un kaléidoscope de lumière étincelante, comparable à une étoile filante. Une princesse sortant de sa sieste, une déesse au corps céleste. J'ai la superstition que je me trouve devant une constellation. Mais d'où vient-elle? Je crois qu'elle a avalé le soleil. C'est un arc-en-ciel de jovialité qui attire la convivialité. On est envoûté par sa somptuosité. C'est une fée qui fait ce qui lui plaît. Pendant que l'on dîne, la frimousse de taquine, la petite mine de coquine de la petite Clémentine avec son petit verre de grenadine nous fascine sur un air de mandoline. She's amazing, surprising. Ça crée une mélodie lorsqu'elle gémit. On entend des do, des ré, des mi. Du matin au soir, elle enjolive la vie. Des turbulences d'euphorie nous traversent l'esprit. Mes nerfs oculaires voient un ange. Mes tympans frissonnent du rythme de ses phalanges. Ma rétine frétille devant son élégance. Ses mimiques sont photogéniques. Aucun détective n'a détecté de défaut. Les devins affirment qu'elle est divine. À l'excel, nous ensorcelle. Ses devantures capturent nos yeux émerveillés. Ses aventures captivent toute l'assemblée. Elle décourage son entourage à faire leur bagage. Pendant que l'on dîne, la frimousse de taquine, la petite mine de coquine de la petite Clémentine avec son petit verre de grenadine nous fascine sur un air de mandoline. She's amazing, surprising. Lorsqu'elle ouvre ses yeux bleus où on ne voit que du feu, j'en perds mon latin et pas que le matin. Même quand dans ses bêtises elle s'acharne, on était obligé de tomber sous le charme. Depuis qu'elle marche, aucun radar n'a pu la flasher. Dans le fichier des enfants extraordinaires, elle est fichée. Dans mon iris, sa splendeur s'affiche. Elle nous attire comme un aimant, comme une aimant, elle nous laisse pas indifférents. Sa bonne humeur est hautement contagieuse. Elle nous transporte avec son allure gracieuse, son apparence joyeuse dans une berceuse. C'est une top modèle avec l'endurance d'une Duracell, ma petite cousine, Clémentine. Pendant que l'on dîne, la frimousse de taquine, la petite mine de coquine de la petite Clémentine avec son petit verre de grenadine nous fascine sur un air de mandoline. She's amazing, surprising.